dans la création continue de notre propre existence. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2020 de la Korrigane, une campagne publicitaire de 1 000 $ à CKRL, une session live enregistrée, une séance photo professionnelle et même 500 $ échangeables en temps de studio d'enregistrement. Et ça, c'est quand même assez magnifique. Inscription en tout temps sur ckrl.qc.ca. C'est exactement ça. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Les éditions Intervention, Maison de la famille Louis Hébert, École de cirque de Québec, Maison des métiers d'art de Québec, Espace sans mesure. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Chères auditrices, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est Jean-Tienne Lafrance qui est avec vous pour la prochaine heure pour parler d'arts visuels, évidemment. Et on va débuter l'émission avec une chronique d'une toute nouvelle chroniqueuse, Cassandra Graham, qui va venir nous parler de l'exposition qui s'intitule « Des corps en migration ». / numérisation, qui est une installation de Martin Beauregard qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. On a affaire à une œuvre qui va solliciter notamment la modélisation 3D et qui évoque le parcours des réfugiés, donc l'immigration des réfugiés de différentes manières. Là, c'est une œuvre qui est assez complexe. On va pouvoir avoir l'occasion d'approfondir cette exposition-là avec Cassandra dans quelques instants. Ensuite, on va recevoir en entrevue Claudel Lozière-Vanasse à propos de son exposition Jardin d'Oxymore qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. L'étudiant à la maîtrise explore la matière de la peinture de différentes manières en trois dimensions. C'est assez particulier comme installation. On est dans une espèce de jardin, comme le titre l'indique, mais un jardin qui ne fait pas nécessairement pousser des végétaux, mais qui évoque beaucoup l'identité des êtres humains, l'identité de genre. Ça va être une conversation bien intéressante. Et en deuxième partie d'émission, c'est Alexandre Dunn, qui est également étudiante à la maîtrise, qui va venir nous parler de sa très belle exposition Rose Chrysotile qui est présentée actuellement à Espace Parenthèse au Cégep de Sainte-Foy, une exposition de peinture. L'artiste explore le paysage industriel minier de Thetford Mines où elle a grandi dans des tableaux aux couleurs très, très pastelles qui viennent un peu créer un contraste avec le motif qui l'inspire, ces paysages industriels qui sont un peu à mi-chemin entre la ruine et le paysage, là. Ça va être une belle conversation. Et on va également profiter du fait qu'on a Alexandre Dunn en studio avec nous pour parler de sa participation à la rencontre interuniversitaire des maîtrises en art qui a eu lieu la semaine dernière à Rouyn-Noranda. Donc, c'était l'UQAT qui accueillait cette 24e édition et c'est à l'écart que ça se passait. Donc, j'ai bien hâte d'en entendre parler. Là. C'est la première fois qu'on couvre cet événement-là et on va avoir une artiste privilégiée qui a pu y participer. Pour l'instant, on va se pencher sur la sélection audio de Simon Roy cette semaine, Monster Rally, qui est un projet musical qui explore dans les zones du hip-hop, de la musique exotique, tropicalia. Donc, on va mettre un peu de soleil dans cette journée grise à la veille du changement d'heure avec le premier extrait qui s'intitule « Ménagerie ». En train de dire la pièce a fini de même. Alors, on a, comme je disais, un peu de soleil dans notre journée. Et on a également Cassandra Graham en studio. Bonsoir. Bonsoir. Cassandra, je t'ai mandatée pour parler de l'exposition « Décor en migration, numérisation » de Martin Beauregard. Effectivement. Qui a cours présentement à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Principalement, le cœur, je dirais, de cette installation-là, c'est la projection vidéo qui est faite en... On appelle ça de la modélisation 3D? Je pense que oui. Je suis pas une spécialiste, ouais. Mais je dirais que oui. Et puis, on est donc sur une mer sans terre qui va avoir différents moments d'agitation, différents moments météorologiques et un ensemble d'objets, une espèce d'amas. Une espèce de structure qui prend forme et qui se déforme aussi... c'est au gré de la durée de la vidéo, puis voilà, ça n'a pas vraiment de forme précise, c'est constitué un peu d'objets qui semblent être hétéroclites, mais finalement qui ont un sens. Là. Oui, ben oui, parce que et cette projection-là est dans une ambiance assez particulière. On a la galerie qui est plongée dans un bleu cobalt, la lumière est bleue, et on a ces fauteuils gonflables, je dirais. Des espèces de... Mais moi, je dis... On dirait des coussins bateaux un peu oui. À moitié dégonflés, qui ont l'air un peu échoués. Là. Qui sont oranges. Oui, vraiment d'un orange surligneur. Disposés au sol. Et en regardant les objets dans la vidéo, on prend peu à peu conscience qu'on réfère beaucoup à l'univers des réfugiés en mer, à l'univers des migrants. Oui. C'est là que l'œuvre commence à prendre tout un sens. C'est très, très chargé comme œuvre. Oui, oui, justement. Plus que, justement, j'ai eu la chance de parler avec l'artiste. Mm-hmm. Tout prend son sens, surtout quand on écoute la vidéo. La vidéo dure 15 minutes. Fait que c'est quand même d'une longue durée. C'est pour ça, justement, que les coussins, on peut s'asseoir dedans puis vraiment contempler. Au fur et à mesure que la vidéo se déroule, à un moment donné, il y a comme une voix off de femme qui se mêle au bruit du vent puis de l'eau et tout ça. Puis des fois, on entend un enfant pleurer. Des fois, on entend comme des espèces de fréquences radio aussi, puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis, quand on comprend un peu la démarche de l'artiste, c'est là que ça prend vraiment une valeur qui est très profonde, finalement. Oui, oui, ben, oui, puis la météo change dans ce montage vidéo d'un univers, d'une vidéo d'animation 3D. Et parfois, ça devient presque post-apocalyptique, ça devient anxiogène. Oui, tu sais, des fois, l'océan tourne même au rouge, tu sais, il peut y avoir des orages, de la pluie très forte, tu sais, c'est vraiment, ça passe du tout au tout, donc un environnement qui peut être très ensoleillé, une espèce de début de matin à justement cet environnement-là un petit peu apocalyptique avec ces structures-là qui se défont un peu. Là, ouais. Et un élément qui donne beaucoup de complexité, de profondeur à la démarche de Martin Beauregard dans cette exposition-là, c'est qu'il y a des éléments qui sont génératifs dans la vidéo et qui sont générés par des données qui sont colligées en ligne sur le web. Oui, exactement. Donc, le cœur de son travail est vraiment tourné autour des migrants. Donc, pour justement fabriquer cette espèce de vidéo d'animation-là, il a utilisé des logiciels avec des algorithmes qui ont traduit les données de migration, les flux migratoires, même les données... Le cours de la bourse, donc les données économiques aussi, pour faire bouger ces objets-là, pour créer ces structures qui se modulent finalement en fonction des données. La météo aussi est influencée par les statistiques. Puis finalement, on se rend compte que à transformer un peu les êtres humains en statistiques, ça devient comme un peu justement ça, là, l'être humain n'est plus humanisé, il devient une donnée. Puis, dans cet environnement-là apocalyptique, ça renvoie encore plus à la détresse de l'humain qui n'est pas présent. Oui, c'est ça, il n'y a pas de présence humaine. Il y a de la représentation de l'humain par, justement, les objets qui sont constitués comme la veste de sauvetage, justement, qui est traditionnelle de... Oui, qui fait penser rapidement à la situation des réfugiés en mer. Il y a aussi... Il y a d'autres éléments plus hétéroclites, comme des espèces de mégaphones. Il y a des micros aussi qui font référence aux médias aussi, qui couvrent beaucoup les événements, les flux migratoires. Oui. Tu sais, au début, on se dit, mon Dieu, c'est hétéroclite. Finalement, tout a un sens. Oui. Là, Ça finit par prendre sens. Puis, ce qui est intéressant aussi avec cette façon que l'artiste d'aller générer les différents éléments de sa vidéo avec ces données qui sont colligées sur Internet, donc des données économiques, des données migratoires. On est dans l'espèce d'informatisation, oui, un peu de l'être humain, mais en même temps, on est aussi dans une espèce de volonté de démontrer que tout est interrelié au final. Oui, exactement. Parce que les économistes ne pensent qu'à l'économie, les environnementalistes vont penser à l'environnement. Il y a une économie de la migration aussi. Oui, il y a une économie de la migration, mais c'est ça, c'est comme aussi une façon de démontrer qu'il n'y a rien qui va sans l'autre non plus. Mm-hmm. Là. C'est tous des champs qui sont très, très interreliés. Mais c'est vraiment l'expérience de l'œuvre. Oui, qui, vraiment. Qui fait... Il y a vraiment quelque chose qui nous... Qui nous fait vivre en quelque sorte, à travers un dispositif très complexe, un peu l'expérience d'immigrants, de se retrouver comme ça à la surface de la mer, pas voir la terre. Exactement, un peu avec le sol aussi brillant de la galerie. On a une impression qu'un peu que l'eau se poursuit dans la galerie, être dans ces espèces de bateaux bancales-là qui sont pas très, solides, là, tu sais. Oui, on a cette impression-là. Oui. Et en terminant, Cassandra Graham, là, cette exposition-là, Décors en migration, numérisation, qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, est dans sa phase 1. Oui. Du 24 octobre au 17 novembre, c'est vu sur la mer. Et il y a une phase 2. Oui, qui fait quelque chose après. De particulier pour cette exposition-là. La phase 1, elle dure jusqu'au 17 novembre. Oui. Puis ensuite, on est en... 3-4 jours de montage. On recommence le 21 novembre jusqu'au 15 décembre. Oui. Puis, ça va commencer avec une conférence de l'artiste aussi, qui va être à la fabrique. Là. Oui. Donc, il va donner une conférence cette journée-là. Puis ensuite, il va avoir une visite avec l'artiste pour la phase 2. Donc, vu sur la Terre, ça va vu être un paysage qui est plus terrestre qui va être dans la vidéo? Justement, les espèces de structures qu'on voit en mer, oui. Là, il va avoir un... Il était très mystérieux. De ce qui, justement, va se retrouver dans la galerie, mais on sait qu'il va avoir une structure un peu bancale qui ressemble à celle qu'on peut retrouver dans l'océan virtuel. Okay. Puis, voilà, là, ça va être quelque chose de plus matériel, plastique, là, finalement. Donc, on se dépêche rapidement d'aller voir la phase 1 pour pouvoir ensuite aller voir la phase 2. Merci beaucoup, Cassandra Graham, pour cette très belle première chronique. Ben, merci à toi, Jean-Pierre. Et nous, on va écouter Shell Snake. Toujours à l'aérospatiale et au bout du fil, on a Claudel Lozière-Vanas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Claudel, je t'ai invitée en entrevue pour parler de ton exposition Jardin d'Oxymore, qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Une exposition où on retrouve des installations, des sculptures picturales et des impressions au mur. Donc, on a un peu deux corpus qui se répondent en quelque sorte dans cette exposition-là. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les objets là, qui sont plus là en trois dimensions là au centre là, de la salle, que les impressions qui sont tout le tour. Cela dit, c'est des œuvres qui partagent là, différents aspects au niveau là du mélange de codes avec les médiums. Je travaille beaucoup là avec la peinture. Mais j'essaie toujours là, de brouiller un peu les pistes en l'associant avec un médium, puis en jouant avec les différents codes associés au médium. Donc, dans un temps, c'est un petit peu plus l'univers 3D de l'installation ou de la sculpture. Puis dans un autre temps, ça va être un peu plus le photomontage avec le logiciel Photoshop. Et si on parle de tes photomontages, par exemple, donc on va commencer par les impressions qui sont accrochées au mur. On a des espèces de formes qui deviennent presque tridimensionnelles, qui sont flottantes. On a des jeux de moirés, des textures métalliques, mais c'est très abstrait au prime abord, mais on devine que si ça pourrait être réalisé à partir de photographies. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. En fait, c'est que je commence toujours par travailler à faire différentes expérimentations à l'aide de la peinture, qu'après, par la suite, je viens photographier ces expérimentations-là. Puis après ça, avec Photoshop, il y a différentes transformations, modifications, des tournements, il y a des éléments qui viennent exclusivement là, de Photoshop aussi. Donc j'arrive à un résultat qui n'existerait pas si c'était seulement là, dû à la peinture, puis que je serais pas non plus capable d'avoir si j'utilisais seulement Photoshop. Donc j'arrive à une espèce d'œuvre hybride qui vient jouer un petit peu là, sur les deux plans. Et il y a un jeu de forme fond quand même là avec les différentes dégradés qui sont intégrés dans l'arrière-plan, si on veut, de ces objets-là. Oui, ben tu sais, c'est sûr que j'aime ça là, justement là, aller jouer un petit peu là, sur les éléments qui vont être plus là, en avant-plan, en arrière-plan, aller essayer de faire un peu un effet collage, mais comme avoir une composition qui est très construite, tu sais, qu'on sent que les éléments ont été calculés, mais en même temps, j'aime ça aussi qu'il y ait un petit élément d'incompréhension. Des fois, le jeu de plan, de perspective va être brisé par la superposition de couches ou certains éléments qui ont l'air de sortir un peu là, de zones colorées ou tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une espèce de petit jeu là, ici là, qu'on... Donc, on joue avec la perception du spectateur pour déstabiliser un peu le jeu de qu'est-ce qui est à l'avant-plan, à l'arrière-plan. Exactement, oui. Et dans tes impressions, il y a également deux portraits qui me semblent être des autoportraits, même si on ne s'est jamais rencontrés en personne. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces deux œuvres qui contrastent un peu avec l'ensemble des œuvres dans l'exposition? Oui. En fait, il faut dire que l'exposition là, est le résultat de mon parcours à la maîtrise à l'Université Laval. Donc, c'est un parcours là, de 2 ans. Donc, c'est sûr que le travail en chemin là, évolue beaucoup. Je me suis intéressé beaucoup à travers mon parcours là, à la notion de honte intériorisée, puis à comment la honte peut être utilisée comme un moteur de création lorsqu'on fait des actions pour engendrer un peu son dépassement, pour s'en détacher. Puis à travers mon parcours, j'ai fait différentes choses, des entrevues avec des proches, je me suis mis en scène dans une série de photos, j'ai fait différentes actions pour aller le déconstruire là, un peu, puis analyser un petit peu ce sentiment de honte-là. Puis j'en suis arrivé à beaucoup de propositions qui sont parfois très formelles, qui ont une esthétique qui est un jeu esthétique qui est là, mais à prime abord, on reste quand même dans une approche qui est peut-être plus formelle, tandis que il y a ces photos-là, ce diptyque qui, bien sûr, on voit un personnage, donc on a un élément du réel qui est plus mis là, à l'avant-plan, mais c'est important pour moi de réussir à intégrer une petite dimension plus personnelle à l'ensemble de l'exposition, vu que les œuvres émergent d'un processus qui était très personnel. Dans ta maîtrise, tu as eu l'occasion d'aborder les théories queer, notamment avec Judith Butler, que tu évoques dans le communiqué de presse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas allier des enjeux qui sont bons psychosociaux, si on peut les qualifier ainsi, et des enjeux formels dans ta pratique? Ben, tu sais, c'est sûr que sais, tantôt, comme j'ai dit un peu, là, sans trop me répéter, j'ai analysé beaucoup comment la déconstruction de la honte pouvait avoir un effet sur mes choix en tant qu'artiste, sur ma perception de l'art, sur ma perception de moi en tant qu'artiste, etc. Je me suis vraiment placé dans un contexte où j'allais avoir vraiment comme une liberté de création qui était assez intéressante. Mais si on se rattache plus directement là aux références que je fais avec Judith Butler, ce qui m'a intéressé beaucoup dans ses théories, c'est qu'elle a proposé l'idée que le genre et l'identité et l'identité de genre plus particulièrement serait quelque chose de qui se construit là de manière séquentielle, quelque chose de d'un peu performatif, puis c'est quelque chose qui s'actualise avec le temps. Donc bien sûr là on notre passé reste, mais à mesure qu'on fait des choix, qu'on a des actions, ben il y a une séquence, il y a un geste qui est répété, qui est réactualisé. Puis moi je faisais beaucoup le parallèle avec mon procédé de production de mes différents objets picturaux. C'est des objets qui ont été réalisés grâce à une technique de peinture en trempage. Donc c'est une succession de couches, de couches et de couches qui vont finalement venir créer le volume final. Donc c'est vraiment avec le temps, puis que les différentes formes, les crevasses, les contours vont prendre forme. Puis c'est sûr, au niveau de ma palette de couleurs, j'ai travaillé beaucoup avec les couleurs là, genrées, le très stéréotypé, tu sais. Puis pour moi, chaque rayure devient un peu comme une certaine marque du genre ou une certaine marque des actions qu'on a posées puis qui finissent par nous dessiner. Donc, dans les bacs à jardin qu'on retrouve au centre de la pièce, c'est ces objets tridimensionnels qui sont faits de trempages de peinture successifs avec des rayures roses et bleues. C'est une façon d'évoquer un peu cette répétition qu'on fait au jour le jour de notre identité de genre. Oui, puis les objets aussi ont un aspect aussi qui est une forme très organique. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu fluide dans les volumes qui sont créés. Donc, il y a un peu ce rappel-là un peu plus formel de l'idée que l'identité est quelque chose qui est en mouvement, qui se transforme, qui peut être un peu plus fluide que ce qu'on peut se l'imaginer. Mais merci beaucoup, Claudel, de s'être prêté à cette entrevue. Et on se dépêche parce que c'est samedi que ça se termine déjà. Oui, l'expo est là jusqu'à samedi. Donc, on se déplace rapidement à la salle d'exposition du pavillon des Jardins de l'Université Laval pour aller voir l'exposition Jardin d'Oxymore de Claudel Lausière. Lausière Vanasse, pardon. Oui, merci. Et nous, on part en pause publicitaire. CKRL 89.1. Bon, silence. Ready when you are. En novembre, le cinéma Le Clap Sainte-Foy et Loretteville présente Motherless Brooklyn dès le 1er novembre, Antigone dès le 8, Charlie et ses drôles de dames dès le 15, Les Barbares de l'Amalbic dès le 22 novembre et Sympathie pour le Diable dès le 27. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Bonjour les mamours, n'ayez pas peur, ce n'est que moi, ma mamour. Je m'occupe de tout. Mise à jour du système communicationnel. Transition effectuée. Voilà. Amour, amour, une présentation de Kill Tapeur et de Premier Acte en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec. Du 22 octobre au 2 novembre au Théâtre Premier Acte, premieracte.ca. Pour avoir envie de transmettre quelque chose pour la suite du monde, justement, on doit d'abord réfléchir au monde dans lequel on vit. Et ce qu'on a envie de transmettre, nous, on considère que c'est le beau. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Pour la suite du monde, en poématon. Donc, imaginez, sur un peu le modèle du photomaton, un boîtier dans lequel les gens pourraient vivre une expérience poétique. Expérience poétique à Québec en toutes lettres. J'imagine une vie future pour le poématon. Oui. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche, soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Le 31 octobre prochain, à compter de 20h, viens festoyer à la Corrigane à l'occasion de notre traditionnel party d'Halloween. Au programme, des coupes de citrouille et concours de costumes, plusieurs spéciaux et prix à gagner, le tout dans un décor renversant. À compter de 22h, le groupe The Black Coffees enflammera notre piste de danse. L'Halloween, c'est à la Corrigane que ça se passe. 380 rue Dorchester, quartier Saint-Roch. Les trafiquants d'art à Limoilou sont les spécialistes de l'encadrement sur mesure, la numérisation d'œuvres de toutes dimensions et l'impression haut de gamme sur toile, papier photo, papier d'art, bois et plus encore. Que ce soit pour l'encadrement d'un diplôme, l'agrandissement d'une photo de voyage, la mise en valeur d'une œuvre qui vous est chère ou encore pour vos projets d'exposition clé en main, les trafiquants d'art offrent un service personnalisé d'une qualité incomparable. Les trafiquants d'art, 975 A, 3e Avenue, Limoilou. Traficandart.com. De retour à l'aérospatiale et j'ai avec moi en studio Alexandre Dunn. Bonsoir. Allô, bonsoir. Alexandre Dunn, je t'ai invité pour parler de ton exposition Rose Chrysotile qui est présentée actuellement à Espace Parenthèse, une exposition principalement de peinture. Et tu y présentes une série de différents tableaux de différents formats. Les formats sont très variés. Comment tu as réfléchi l'accrochage des œuvres puis leur interaction comme ça dans différents formats? Oui, donc dans le fond, moi, je fais majoritairement des grandes œuvres, oui. Disons 48 pouces par 60, 72 pouces. Et depuis cet été, j'ai commencé à travailler avec des plus petits formats aussi, varier ça, mm-hmm. varier comment je travaille différemment selon le format. Et ensuite, c'est sûr que c'est toujours... moi, je trouve que c'est amusant de vraiment voir qu'est-ce que ça fait les petits tableaux à côté de grandes œuvres, les petits tableaux qui sont majoritairement abstraits, comment ils viennent vraiment être influencés par les plus grandes œuvres, plus figuratives, en fait. Et c'est vraiment une exploration formelle, en fait, les grandes versus les petites œuvres. Ça découle beaucoup de cette expérimentation-là formelle, en fait, des couleurs. Et dans ton travail, tu explores le paysage industriel minier. C'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps, là, cet univers-là. Mais en fait, c'est l'univers dans lequel tu as grandi, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, Thetford, c'est la ville où j'ai grandi. J'ai passé ma jeunesse là, mon adolescence là-bas. Et ça fait depuis environ 2017, fin 2016, que je m'intéresse au paysage industriel de ma région. Et c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment la façon dont... la complexité des relations qu'on peut entretenir avec le paysage. Mm-hmm. Comment moi, je vois ces paysages-là d'une différente manière comparé à quelqu'un qui n'a pas vécu là-bas. Et dans le fond, Thetford a extrait l'amiante pendant plus d'une centaine d'années. Oui, c'est ça, c'est très connoté. On oui. le sent aussi dans le titre. Si on cherche Chrysotile oui. sur Wikipédia, par exemple, on se rend compte que c'est un mot qui parle d'amiante. Oui, exactement. Et c'est ça, dans le fond, le paysage de Thetford, c'est un paysage qui est très lourd. C'est connoté, on parle d'amiante, de l'extraction de l'amiante. Puis l'amiante, c'est sûr que c'est reconnu comme nocif pour l'homme, alors c'est dangereux, tu sais. Mm-hmm. Et la façon dont moi j'ai grandi avec ça, c'est pas en les percevant, en associant, disons, le paysage à un minéraux qui est dangereux, mais c'est plus en créant des associations ou des souvenirs, des mémoires qui sont sensibles, mais qui sont liées au jeu, au confort, à la naïveté de l'enfance. Et c'est pour ça, dans le fond, que quand moi je représente le paysage, ben ça relate un peu de l'enfance puis de ces souvenirs-là. Puis là, la palette de couleurs pastel prend tout son sens là quand on parle de l'enfance. Donc on est plongé un peu plus dans un monde qui serait onirique à la limite, parce que bon, on se souvient de notre enfance, mais on c'est des souvenirs qui sont transformés au cours du temps, qui sont imaginés, qui sont idéalisés. Oui, exactement. C'est il y a une naïveté là-dedans, puis il y a une sorte d'idéalisation. C'est des paysages qui sont maintenant fantaisistes. Même, on peut parler d'utopie, tu sais. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qui m'intéresse un peu, la façon dont moi, j'ai vécu là-bas. Puis comment ça s'est transposé en peinture d'une manière très intuitive, en fait. Là. Mais oui, parce que j'ai l'impression que y avait peut-être un peu plus de figuratif dans ton travail avant. Mm-hmm. Puis là, tu commences à tendre un peu vers l'abstraction. Est-ce que je me trompe? Ben, ça dépend. Tu sais, là, avec les petits tableaux, on dirait que ça devient complètement abstrait. Mm-hmm. Mais au début, j'ai commencé très figuratif. Là, c'est sûr que je me permets peut-être un peu plus. Et ce qui m'intéresse dans les œuvres abstraites, c'est vraiment la façon dont, puisqu'ils sont mis dans le contexte de la mine, on les perçoit quand même de cette manière-là. Dans le fond, souvent, ça peut faire référence aux vues aériennes du paysage. Ça fait référence aussi à des vues très microscopiques ou des fragments du paysage de très près. Et ce qui m'intéresse avec la peinture aussi et le médium, c'est comment on peut le référer à la façon dont l'homme modèle le territoire. Ben c'est un peu ça que je fais avec le médium de la peinture, c'est mm-hmm. jouer avec une différente matière, en fait, jouer avec mm-hmm. Et ça stimule l'imaginaire d'y aller mm-hmm. avec des motifs abstraits comme ça. Tu parles de changement d'échelle des points de vue, mm-hmm. d'avoir une vue aérienne ou une vue microscopique, mais nous, si on le sait pas, on peut s'inventer n'importe mm-hmm. quoi, là. Exactement. Puis mm-hmm. ça fait un peu partie aussi de ce qui m'intéresse, mais il y a toujours les titres qui nous ramènent à la mine mm-hmm. pour quand même guider le spectateur ou même le titre de l'expo, même si on fait notre recherche. Et Alexandon, si on revient un peu à comment tu travailles, est-ce que tu travailles à partir de ton imaginaire seulement? Est-ce que tu as des motifs qui viennent de photos ou de paysages réels? Dans le fond, moi, je commence toujours mes recherches par une recherche in situ, alors je vais directement sur les sites et je prends des photographies. Alors, surtout mes grands tableaux plus figuratifs, c'est sûr que ça provient d'abord d'une photographie qui m'aide à trouver une composition qui m'intéresse. Et ensuite, quand les grandes lignes de cette photographie-là sont transposées sur le tableau, alors là, j'essaye de me distancier, en fait, de cette image-là puis de créer un autre univers, par l'accumulation de couches de peinture, par l'accumulation de formes et de couleurs. Là, c'est là que j'essaie d'improviser, en fait. Donc, on s'en détache peu à peu. Et il y a deux objets dans l'exposition qu'on retrouve dans la vitrine. Oui. Je sais que le travail tridimensionnel, c'est quelque chose que tu travailles depuis quand même un certain temps, mais ça semble être des espèces de moulages, de roches. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux objets-là, puis on dirait que c'est comme une exploration récente qui est encore toute effervescente, là, puis oui. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, donc ça, c'est des récentes explorations, c'est presque encore en stade de recherche, mm-hmm. et je trouvais que c'était bien pour la vitrine, en fait. Au début, je pensais pas les mettre, puis après, tu sais, avec la vitrine, je me suis dit, ah, ben c'est peut-être leur place pour le moment, et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été moulée des roches directement sur les territoires miniers. Et donc, ça m'a créé des moules en bandelettes de plâtre. Et après, j'ai ajouté du plâtre liquide dedans avec des pigments de couleur. Mm-hmm. Et des pigments gris pour une roche, puis il y a comme un rose là, pour mm-hmm. l'autre roche. Et ça m'a créé ces artefacts-là, ces genres de moules-là. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est une autre représentation d'un territoire ou d'un paysage, en oui. fait. Là, on le voit par l'objet. Et ça m'intéresse d'essayer de figer les traces qui ont été laissées sur le territoire-là. Puis eux, ben je les vois un peu comme un objet qui renferme une mémoire où il y a des marques là-dedans, puis c'est une manière d'essayer de préserver un paysage comme j'essaie de le faire avec la photo, puis après en peinture. Là. Donc, on est encore autour de, c'est ça, de ces restes, de ces presque ruines aussi. Oui, bien, c'est des ruines, en fait, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça qui m'intéresse, la notion de ruine est très présente. En fait, c'est ça qui m'attire aussi formellement à Thetford. Il y a plein de bâtiments abandonnés mm-hmm. où, là, ben c'est sûr qu'ils sont en désuétude et ils sont pas facile à dire non désuétude c'est ça et dans le fond c'est ça c'est comme aussi un amalgame entre des formes organiques puis les formes de la nature qui reprend un peu sa place sur le territoire ça m'intéresse beaucoup et ces roches là en fait ben c'est sûr que c'est dans la roche qu'on retrouve la fibre de l'amiante alors de figer ces des roches là et d'en faire d'autres objets je trouve que c'est super intéressant mais il va y avoir un finissage oui. le jeudi 7 novembre à partir de 17h30 oui. L'expo se termine le lendemain. Oui, c'est ça, le lendemain. OK. Donc, pour information aux gens à la maison ou dans la voiture qui nous écoutent, c'est une très belle exposition. C'est à l'espace parenthèse du côté du Cégep de Sainte-Foy. Et puis, je te garde en otage, Alexandre Dunn. Oui. puis, on va prendre une pause musicale avec la pièce Ginger in the Wind pour mettre un peu de soleil, encore une fois, dans notre journée un peu fraîche et pluvieuse. Et au retour, Alexandre Dunn nous parle de sa participation à la rencontre interuniversitaire, pas facile à dire au micro, des maîtrises en art qui a eu lieu en Abitibi-Témiscamingue. Retour à l'aérospatiale, toujours avec Alexandre Dunn en studio. Alexandre Dunn, qui est à la maîtrise ici à l'Université Laval en arts visuels et médiatiques, ça s'appelle oui. la maîtrise, oui. Et la semaine dernière, je t'avais invité à venir faire une entrevue. Tu m'as dit non, je peux pas être là parce que je vais être en Abitibi à la rencontre interuniversitaire des maîtrises en arts. Puis là, j'ai fait, ah oh, ouais, intéressant. Comment ça a été ton expérience, Alexandre? Ça a super bien été. Oui. Tu sais, j'étais avec mon collègue Vincent Hinze oui. à la maîtrise et dans le fond, on allait là, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et tu sais, dans le fond, c'est vraiment une rencontre avec d'autres étudiants d'autres universités du Québec, mais aussi des profs qui se joignent. Alors, tu sais, ça va vraiment... C'est vraiment comme un partage de nos pratiques, de nos connaissances. Alors, au final, c'était vraiment... c'était très amical, puis c'était quand même très bon pour... Tu sais, c'était un beau partage, puis on a eu des beaucoup de commentaires, en fait. C'est oui, bien. C'est nourrissant vraiment. D'avoir un regard externe aussi sur ce qu'on pense puis ce qu'on développe dans notre petite tête autour de nos pratiques. Mais moi, je me demandais aussi comment ça fonctionne pour aller là. Tu disais, bon, il y a Vincent Hain, c'est toi qui étais de l'Université Laval. Comment les participants sont sélectionnés? C'est quoi le processus? Ça dépend de toutes les universités. Okay. En fait, je pensais que c'était un peu comme... universel, mais comment ça se passait à l'Université Laval, c'est que c'était un appel pour les élèves qui rentrent en deuxième année à la maîtrise, qui commencent leur deuxième année, dans le fond, de faire juste un petit texte, puis de l'envoyer au directeur de maîtrise, là, Bernard Paquet. Et lui faisait... il y avait comme un petit jury là, de trois profs qui faisaient la sélection de deux étudiants, mais tu avais le choix d'appliquer ou pas. Alors, dans le fond, c'est après, on a su, moi et Vincent, qu'on avait été choisis là, pour représenter. Et là-bas, bon, l'institution qui accueillait, c'était l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais les activités se tenaient au Centre d'artistes L'Écart. Oui. Les activités, il y avait des conférences, et évidemment, donc sur deux jours, et il y avait également une expo collective. Oui. Qu'est-ce qui était présenté à l'expo collective? J'ai présenté un tableau, une œuvre en peinture, c'est sûr, à l'huile, qui date de 2017 quand même. Encore au sujet là, des paysages industriels là, de Thetford. Et dans le fond, c'est sûr qu'on était un peu pris par rapport au format, dans le sens qu'il fallait quand même se rendre là-bas. Oui, on fallait se rendre là-bas en auto. Alors, j'ai pris une œuvre qui c'était quand même assez... qui pouvait se transporter facilement, là. Et, bon, on parlait de la rencontre, des échanges, à quel point ça peut être nourrissant. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes découvertes? Est-ce que tu as eu des coups de foudre formels, intellectuels, des espèces de coups de cœur là-bas, des découvertes? Oui, ben c'est sûr que c'était bien d'avoir... de savoir qu'est-ce qui se passe dans d'autres universités. Et c'était... Tu sais, il y a aussi beaucoup des universités qui sont plus dans le plus conceptuel ou théorique versus d'autres qui sont peut-être un peu plus dans une recherche formelle. C'est sûr, ça dépend de tous les étudiants, là. Mais tu sais, comme les sélections qui avaient été faites, disons, à l'UQAC, qui est l'université à Chicoutimi, c'était beaucoup très théorique, conceptuel, puis c'était super intéressant aussi, là. J'ai vraiment adoré. Donc, de l'UQAC, il y avait Marielle Couture et Fradiel Eckhart. Les universités ne sont pas identifiées à côté des noms dans le programme. Donc, ça a été un peu une belle découverte, l'approche de l'UQAC pour toi? Oui, vraiment, c'était bien. J'ai vraiment aimé la façon dont ils ont parlé de leur travail. Mais tu sais, toutes les universités, c'est intéressant. Là, oui. Même, ben, c'est ça, Concordia, l'UQAM, ils ont toutes... je sais pas, il y avait vraiment des échos aussi entre certaines pratiques, comme David Lafrance de Concordia qui... travail sur le paysage, sur l'environnement. C'est sûr que en peinture, surtout, ça faisait écho avec qu'est-ce que je fais. Alors, c'était des belles rencontres parce que je connaissais son travail, mais au final, je l'avais jamais, j'y avais jamais parlé. Là. Oui. D'en entendre parler puis de partager différents éléments de réflexion ensemble. Donc, tu penses que ça peut avoir dénoué des nœuds dans tes réflexions de participer à cet événement-là? Je pense oui, puis aussi juste... théoriquement, tu sais, le partage de théorie ou de lecture, en fait, ça, je trouve que c'est quelque chose que j'ai pris quelques notes, puis même après les présentations, il y a des profs qui sont venus me donner des références ou de référer à des mémoires d'artistes qu'eux ont supervisé ou des choses comme ça, là. Oui, parce que les profs qui viennent, qui accompagnent, il y avait plusieurs profs avec vous? Mais je dirais, vu que c'était loin cette année, il y a quelques universités où il manquait des profs, en fait. Comme à l'Université Laval, on avait deux profs. Puis sinon, c'était pas mal un prof par université, là. Donc, l'échange se fait aussi, c'est la chance d'avoir des profs qui viennent d'autres universités, qui voient ton travail, qui écoutent tes réflexions, puis qui peut te faire des retours. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une très... C'était la 24e édition. Il y avait l'Université du Québec en Abitibi en Abitibi-Témiscamingue, il y avait l'UQAM, il y avait l'UQO, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval, l'Université Concordia et l'Université Laurentienne. Oui. Vous aviez de la visite de l'Ontario. Oui. Cette année, puisqu'ils sont proches de l'Abitibi, dans le fond, l'UQAT a décidé d'inviter l'Université Laurentienne. Mm-hmm. Et eux, dans le fond, c'est un programme d'architecture, de maîtrise d'architecture. Alors, donc, c'était une rencontre qui était interdisciplinaire. Oui, oui. Mm-hmm. Puis c'était quand même assez intéressant parce que eux, c'est sûr que c'est pas des pratiques artistiques là, mais c'est eux, ils venaient plus présenter des projets de groupe où ils ont fait différents projets d'architecture en fait. Et ça, c'est sûr que le propos est différent, mais il y avait des échos entre disciplines. Il y avait quelque chose qui se passait de super intéressant. Mais merci beaucoup, Alexandra, d'avoir partagé ton expérience sur cette rencontre interuniversitaire des maîtrises en art qui a eu lieu la semaine dernière à l'Écart, à Rouyn-Noranda. Et nous, on va prendre une pause musicale et au retour, c'est l'agenda de la semaine. De retour à l'aérospatiale pour ce dernier segment de l'émission où on apprend tout ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine à Québec. Ce soir, c'est le dévoilement de l'œuvre Famille de Wartin Pantois qui est présentée à la Bordée, donc le deuxième de ce cycle, de cette résidence de cet artiste anonyme de la ville de Québec. Donc, c'est à partir de 18h et c'est une œuvre qui a été inspirée par la pièce Hope Town, qui est présentée là, à partir de cette semaine au Théâtre de la Bordée. Et demain, à la Chambre Blanche, il va y avoir une sortie de résidence. C'est l'artiste Cecilia Barreto du Mexique, à partir de 17h, qui va présenter les résultats de son travail de résidence en cours à la Chambre Blanche. Elle est en résidence du 9 septembre au 7 décembre, donc c'est quand même une bonne période. Et puis, elle présente notamment ses hyper-objets, hyper-objects, donc des objets picturaux qui prennent la forme d'une espèce d'installation et elle alterne des gestes picturaux, des codes numériques, des algorithmes et des couleurs en superposant les différentes couches d'informations et en les juxtaposant. C'est assez intriguant. Donc, on va voir ça demain du côté de la Chambre Blanche à partir de 17h et puis l'exposition va être présentée jusqu'au 31 octobre. Demain également, du côté de Lévis, il y a une performance de Geneviève et Mathieu. Donc l'exposition L'Opéra d'art Geneviève et Mathieu prend fin demain. Et à 18h, il y a une performance du duo d'artistes de Rouyn-Noranda. Donc ils sont reconnus pour des performances assez dynamiques. Et c'est à partir de 18h, il y a un prix d'entrée, c'est 5$ pour les non-membres et les membres de Regard peuvent assister à la performance gratuitement. Il y a également le vernissage de Sylvie Lorrain, vendredi à partir de 18h à la Maison Tessier de la Plante. C'est une exposition qui est organisée, bien sûr, par la Société d'art et d'histoire de Beauport. L'exposition s'appelle Revanche. Donc, on est dans une espèce d'exploration de l'effet de l'industrie pétrolière sur notre environnement. Donc, une exposition à saveur un peu pessimiste, mais très esthétique. Et Canadian Bacon fête son 5e anniversaire. Il y a un vernissage vendredi et l'exposition se poursuit toute la fin de semaine, au 280 de la rue Arago Est. Il y a également un prix d'entrée pour le vernissage, c'est 5$ si vous vous procurez les billets au knockout sur la rue Saint-Joseph, s'il en reste encore, ou sinon c'est 10$ à la porte. Il va y avoir là une sélection de plus d'une trentaine d'artistes là, pour n'en nommer quelques-uns. On va avoir Olivier Roberge qui est l'artiste qui a réalisé le visuel de notre émission l'aérospatiale. Il va y avoir également Simon Doyon qu'on a déjà reçu ici à l'émission, Marie-Ève Fréchette, Kyle Mercader, Olivier Moisan-Dufour qu'on a reçu il y a quelques semaines, également Paul Brunet, François Raymond et beaucoup d'autres artistes là, qui prennent part à cet événement toujours très très festif et il va y avoir Millimétrique cette semaine cette édition-ci qui va être le DJ Millimétrique qu'on tient à féliciter en onde pour son Félix qui est très bien mérité. Il y a également en fin de semaine, c'est vendredi, à la Galerie Michel Guimond de 17 à 20h, c'est le lancement de Écrit sur l'art de Rodolphe de Repentigny, donc ce critique d'art qui était extrêmement important au Québec, là, qui est décédé dans les... j'ai oublié ça. ça n'a pas d'importance, mais c'était un critique d'art des plus importants au Québec, donc on va au lancement ce vendredi, et c'est la dernière semaine pour aller voir l'Opéra d'art à Regard, donc jusqu'à demain, et Jardin d'Oxymore qu'on vient de parler avec Claudel Lozière-Vanas au Pavillon des Jardins de l'Université Laval. Et c'est le moment de parler de qu'est-ce qui se passe après l'émission. Ah, j'en profite pour faire un beau remerciement à nos invités Alexandre Donne et Claudel Lozière-Vanas et un grand merci à notre nouvelle chroniqueuse de feu, Cassandra Graham. Merci à Jacques Gignac, le Picasso de la console. Et c'est maintenant le moment de parler avec Pierre Blais dans quelques minutes ses situations critiques. CKRL. Communication. Culture. Almodovar. Et le phare, ça et rime. Le phare. Oh! Oui, deux films différents. Almodovar, c'est Douleur et gloire. Oui. Et Le Phare, ben c'est un film d'horreur, puis c'est l'Halloween. Fait que, ben oui. Voilà. Et Almodovar, c'est légèrement autobiographique, je pense, son dernier film. Mais on pourrait dire, parce que c'est l'histoire d'un réalisateur de film, donc c'est facile de faire un lien en disant qu'il se raconte un peu. J'ai dit légèrement. Ouais. C'est Antonio Banderas, qui était son comédien fétiche lorsqu'il a commencé en Espagne à tourner ses premiers longs-métrages. Avec Penélope Cruz, là, c'est... Absolument. On connaît son Almodovar. On aime son Almodovar. Et c'est un bon Almodovar, à mon avis. On verra ce que Stéphane Ledien va en penser. Il va nous en parler tout à l'heure. Donc, l'autre film très attendu qui est sorti vendredi, c'est Le Phare, The Lighthouse. C'est deux hommes, Willem Dafoe et Robert Pattinson, qui jouent des mariniers, là, des gardiens de phare, qui se retrouvent dans un phare. Ils sont seuls. Moi, je ne l'ai pas vu. Là. C'est Stéphane qui va nous en parler. Ils sont seuls, puis ils virent un peu fous, ça a l'air. Tournant en noir et blanc. Ça reste un grand classique, là, comme... Ben, comme contexte, virer fou dans un phare. Oui, en noir et blanc. Brume. En noir et blanc, avec la brume. Oui, intriguant. En noir et blanc, on aime ça. Ça a l'air que le tournage a été un peu cauchemardesque pour donner... sur une île déserte dans un phare, là, aussi. Donner de la déracité à ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est au menu de Situation critique. Dans une minute. Exact. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Bon, silence. Ready when you are. En novembre, le cinéma Le Clap Sainte-Foy et Loretteville présente Motherless Brooklyn dès le 1er novembre, Antigone dès le 8, Charlie et ses drôles de dames dès le 15, Les Barbares de l'Amalbic dès le 22 novembre et Sympathie pour le Diable dès le 27. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca.